Rail suprême. Deux heures DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Are you ready? Une bonne soirée et bienvenue comme chaque dimanche soir. DJ Case est là. Yes. Ça va, Case? Très très bien. Bien détendu. Le week-end n'est pas fini. Prêt à nous ambiancer? Ah oui, comme jamais. Et tu sais que ce soir, en plus, on va découvrir les cartons du Maghreb actuel. C'est ça, ouais. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Voilà, on a concocté ça avec Fab la semaine dernière. Donc et on va vous faire découvrir ça. Ouais, on va, c'est ça, on va mixer tous les trucs qui cartonnent en ce moment. Outre Méditerranée. C'est joliment dit. Ne bougez pas, c'est le coup d'envoi de Soirée Suprême comme tous les dimanches soirs. DJ Case au platine. On y va? Yes. Allez, on attaque. Wait.

شربنا خايف نحصل لنا اي باقي جوجنا باقي شربنا خايف نحصل لنا فاطمه زوينه عيش حنينه ندي هادي ولا هادي فاطمه زوينه عيش حنينه ندي هادي ولا هادي Yeah, lady, je me concentre dans tes bras, c'est la vie, la nuit.

Faire, prépare tes affaires, on met les voiles.

Suprême comme chaque dimanche avec DJ Case qui est là avec nous. Case, est-ce qu'il y a des soirées annoncées où il faut aller sur les réseaux sociaux? Ah mais non, regarde, la page à l'instant même, on te communique quelques soirées qui arrivent pour le mois de décembre. Même, voilà, gros big up à Yad parmi nous, qui est là depuis le début. Toujours là. Il est toujours là, voilà, il a un nouveau scooter, il est en forme. Et il fait. Mais il a l'air content. Je lui dis de l'attacher, il est pas sûr de le retrouver à ce temps-là. Ça va être compliqué dans le quartier. Alors le 2 c'est au World, c'est dans le 7-8. Et juste après c'est au Teatro, c'est à Paris. Le samedi 3 c'est au Murano, c'est à Paris. Et après le 9 c'est à Toulouse. Et bon, enfin bon. Est-ce que tu sais où tu seras le 31 décembre? Le 31 déjà, non, pas encore. Sans pour parler. Donc en négociation. Entre Tokyo et San Francisco. Très bien, bah, on vous l'annoncera dans les semaines qui viennent dans Rail Suprême. Et là on va donc débuter dans un instant sur Skyrock avec une petite nouveauté pour Rail Suprême. C'est ça. Tu vas mixer les titres carton du moment où Maghreb. C'est ça. On va débuter notamment, vous écouterez dans un instant Zina Daoudia, Marichal aussi. Ce sera dans quelques minutes. Pourquoi tu te fous de ma gueule? J'ai pas bien prononcé. Non, il s'est vraiment fait voler son scooter en fait. Ah, merde. ça trop bien d'un seul coup. Et bah tout ça, c'est parti dans un instant, Case. Allez. Allez, on y va pour tous les cartons du Maghreb. À écouter, c'est uniquement dans Rail Suprême et c'est après ça. Matin sur Skyrock, les stars réveillent la France. Ah, de la star comme on l'aime, Mathieu Delormeau ce matin. Kikou les boys and girls. Les boys and girls, c'est Goto. J'appelle mes boys. Eh ben appelle tes boys si tu veux, j'en ai rien à foutre. Ils peuvent se pointer à poil comme ils veulent, j'en ai rien à branler, je vous pète la gueule, je vous pète les dents. Le réveil de star sur Skyrock, c'est tous les matins à 6h10, 7h10 et 8h10 dans le morning de Difool sur Skyrock. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Son nom, Chai. Son origine, la Belgique. Signe particulier, rappeuse à la rime incisive. Skyrock te fait découvrir le premier album de Chai. C'est Chai toute la semaine dans Planète Rap. Tous les soirs, une heure de nouveau rap non-stop avec Chai, la rappeuse repérée par Booba et découverte sur Skyrock. C'est Planète Rap Chai. De 20h à 21h, tous les soirs en direct avec Fred sur Skyrock. Et retrouve l'émission rap numéro 1 en France en vidéo live et en exclu sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock gratuite. Skyrock. Numéro 5. خمسني رابطني حداك صبرة وكانت فناك كل شي شايفني معاك دابا وجهي في النتي هادي ماشي رجولة خلينا عليك معقولة في الاخر تقولي يا الازواج ما تقدرش علي خمسني رابطني حداك صبرة وكانت فناك كل شي شايفني معاك دابا وجهي في النتي جاي تقولي Hello. 24. Ah non non non non non non, عايش مستوني. Ah non non non non non non, واش بغيتوني. Ah non non non non non non, بحضيني. انا حياتي هكذا اللي ما بغاني باي. Ah non non non non non non, عايش مستوني. Ah non non non non non non, واش بغيتوني. Ah non non non non non non, بحضيني. انا حياتي هكذا اللي ما بغاني باي. داري داري داري دانا. زيد مرحبا بك معانا. الله يحفظك ماريش. أرواح اللي ما عندو كانا. إيدي في ليك نزيد ونسى ونهموم ورانا. سلامة سلامة. اللي ما بغانا غير رسالة. سلامة سلامة. ما جانا كي الكلاب ورانا. سلامة سلامة. هضرتو وما ما همانا. عايشين حياتنا في مكانش في صفة تلقانا. Je vais chanter, chanter comme comme, comme si personne ne m'entendait. Je vais danser, danser comme comme, comme si personne ne regardait. Je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Je vis chaque jour comme si c'était le premier. La vie est une histoire qui me prend pas. Non non non non non, je suis tourné. Non non non non non non, je suis tourné. Non non non non non non, pas pardonné. Numéro 3. Galtana, jibtini nadmana, qulti li rayahni, hal marra samahni. Galtana, jibtini nadmana, qulti li rayahni, hal marra samahni. Rice Rice Supreme, minuit 2h avec Fred et DJ K sur Skyrock. تغريتي وعليا تخليتي ما همك اللي جرالي سهرتيني ليالي. تغريتي وعليا تخليتي ما همك اللي جرالي سهرتيني ليالي. انا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر. انا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر. حيرانة ما تنفعك الندامة. غلطانة جيتيني ندمانة قلتيلي ريحني هالمرة سامحني. غلطانة جيتي قلتيلي ريحني هالمرة سامحني. غلطانة numéro 2. يو كيف الهذيل في نصاص الليل تحضار هجبط الموبيل وباغي نشوفو نسمع ما بلوند مع نراس متلالي الصوت. كيف الهذيل في نصاص الليل تحضار هجبط الموبيل وباغي نشوفو نسمع ما بلوند مع نراس متلالي الصوت. عطيني من وقتك وانا وشوية حن علي ولا نقول هاد الموند عايت انتي حتى لالي الصوت. يوم حن علي ويا البنية عطيني من وقتك وانا وشوية حن علي ولا نقول هاد الموند عايت انتي حتى لالي الصوت. يوم كيف الليل في نصاص الليل تحضر اشبط الموضيل باغي نشوف ونسمع بابلون مع نراس متلالي الصوت. كيف الليل صاص الليل تحضر اشبط الموبيل وباغي نشوف ونسمع بابلون مع نراس متلالي الصوت. سيراي سوبريم سكاي روك. numéro 1. كيكذب عليك انقهرتونا ببغني نبغيك في الاخر تقولوا تحت ما يستاهل ولي ما كتقولوا الحب ماشي سهل في الاخر تقولوا تحت ما يستاهل ولي ما كتقولوا الحب ماشي سهل سليباتي انا سليباتي عايش بخير هاني الله كبير سلباتي أنا سلباتي دابا الله في راسك وفي الوالدين القلب لحنين خليني انا بعيد فضل نبقى وحيد عز راسي والله ما باغي نطير خليني انا بعيد فضل نبقى وحيد عز راسي والله ما باغي نطير انا سليباتي عايش بخير هاي الله كبير دابت الله في راسك وفي الوالدين نميرو خليوني أنا ينعيش خليوني من غرامكم أنا عايش حياتي ترانكيل دمعي ما باغي تسيل صبرت وتقاد الحيل سليباتي عايش حياتي ترانكيل دمعي ما باغي تسيل صبرت وتقاد الحيل أنا سليباتي أنا سليباتي عايش بخير هاي الله كبير سليباتي أنا سليباتي دابت الله في راسك وفي الوالدين في الاخر تقولوا تحت ما يستاهل ودي ما كتقولوا الحب ماشي سهل سليباتي إديسيون كوسموس بريزون ديجي مغاد C'est ça depuis des années. Si j'ai bossé, bossé, ben c'est pour les sentiers. J'fais du sale, mon refrain, l'équipe passe pas fané. J'mets les laisser dans le vinyle, car ce soir j'suis dans mon délire. Ouais, peu seul, ça devient terrible. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'parais pas trop de folie, même mon blé dans mes reconnus. Mon frère, dis-moi qu'est-ce qui t'arrive. Ouais, ouais, ouais, ouais. Un bleu, c'est salé, ouais, la barre est dansée. Tout le monde a compris les dangers. On se rattarde le bled, ça va pas changer. J'suis toujours le même, y'a que l'état qui a changé. Y'a Younes la France, in al-Bourlou. Tunis DZ, longue vie à nos potos. Neuroman, t'es le jet set. J'passe à Kema pour conso. J'ai dit ciao ciao à l'Europe. J'ai dit salam à l'Afrique. Ils ont tabac mon passeport. J'vais laisser tout mon fric.

of a shy girl, bring it come. If you have a fool, fool man, get it on. Both more may come from me now. Pretty girl does a pose like dummy now. And the tongues, them a rub them down, you know. Inna the shade, it's straight back from me now. Uptown full of fun, you know. ATI, we are going on. Cherry Garden, Dream Weekend coming on. Missboro, Jackson, Smush, I got done, you know. Oh, oh, here we go. Summertime is here, you know. It's a holiday. School is closed. We're feeling the vibes, you know. La la la la la la la la la la la la la la la la la. My name is Roberto Amarula. Oh, have you seen my Amarula? So sweet and fine like Amarula. She comes in the morning Amarula. Still have her in my night time. Gives me hangover Amarula. But I don't care, no Amarula. So smooth and clean like Amarula. Don't ever touch my hair. C'est Rai Suprême sur Skyrock. Vanaf vond voor de date. Round en round, wij met z'n tweeën. Dus doe maar mee. Je booty van mij. La boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas.

bellman se lâcher. Yone bize ou passeport, mana kazan Marseille. Mouy ma bia lira toujours, al le bellman se lâcher. Yone konji, si tanhar, al mouy lan adidam, li hawa sar. Yone konji, man si tanhar, al mouy lan adidam, li hawa sar. خاطر تلمان الحفلة ديروها والليلة ربلوها راهي أنا موت في خاطر تلمان يا قع قع قع قع قع قع تلمان الحفلة ديروها والليلة ربلوها راهي أنا موت في خاطر تلمان Toutes les nuits c'est la même, la mélodie, j'éteins sa mère. je voulais me noyer. Elle m'a dit qu'elle était mariée, casée, maquée, deux, trois gosses au foyer. T'as dit ce qu'elle j'ai employé. J'allais pas lâcher l'affaire, qu'est-ce que tu croyais? C'est bientôt l'heure de tailler. La voilà qui est bourrée, au télo, je vais l'emmener. Au dos, je suis franqué sous deux, oui. Fais la malade dans les clubs et toute la nuit. Ça fait comme Sony, les petits sont jolis, se tendent comme jamais de la vie. Connais la petite. J'ai mis du jack dans ma tête, la top et la petite. Dis-tu qu'elles sont plantées. Toutes les nuits, c'est la même. La mélodie, j'ai dans sa main. Voir un fiancé, elle se prend pour Beyoncé, mais elle ne sait pas danser. Elle traîne dans les soirées branchées, boîte et cabaret. Prête à tout pour se faire remarquer par n'importe quel qatari. Tout en sachant que son compte soit blindé, calcule pas son gabarit. Laisse-la faire sa life, célibataire, elle aime s'enjailler toute la night. Elle se demande encore, ouais, passer son boy, ouais, son boy. Aller jusqu'au bout de ses envies. Elle aime danser toute la nuit. Le boudin, un outil, tout le monde l'envie. Madame ne connaît pas la grisaille. Elle est à Dubaï ou à Miami. Toute l'année, elle crame au sunshine. Elle veut avoir le même pain que Riri. Suffit pas de remplir le frigo, d'offrir le dernier bigot. Elle veut se déplacer en lambeau. 5 étoiles, vélo et resto. Assumera pas la cuenta. C'est la hesse dans tes poches, c'est Koh-Lanta. Au fond du club, elle se met une rapta. Et quand elle parle, c'est la cata. La cata, bobo, elle est rata, elle est rata. Laisse-la faire sa life, célibataire, elle aime s'enjailler toute la night. Elle se demande encore, ouais, passer son boy, ouais, son boy, son boy. Laisse-la faire sa life, laisse-la faire ça. Enfoiré, tu penses de neuf, apprends de ma fée, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? J'enfile ta tenue, mon gars, place au combat. On chie pas le pas, tu payes en caisse. Tout le monde qui va gérer mes vêtements. Et ma ça tu prends les mecs de la guerre. Je prends de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hey mon ami, c'est bon l'enfant, aïe, fais bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Mbali. Faut que les jalousies m'en va vite. À 11h, je vis ça à Barbeau. Gardez, appétit, parce que par j'ai la boule à du Brésil. Imbécile, fais pas loin d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Gardez, appétit, gardez, appétit, appétit. Gardez appétit, gardez appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Me mépriser mes gars, faut me plaisir. Ça me fait bizarre quand je vois les gens lancer sur la moule. La ouais, je me mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Oh, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Appétit, là, connais pas la porte-père. On se titulaire, et c'est moi qui le brasse. Tu parles, tu parles, on sait que tu ne brasses pas. J'ai plus cellulaire quand la ligne reste trace. Ngati, appétit, parce que par jeu la moule à du Brésil. Imbécile, veux par loin d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Ngati, appétit, Ngati, appétit, appétit. Ngati, appétit, Ngati, appétit, appétit. Ngati, appétit, parce que par jeu la moule à du Brésil. Imbécile, veux par loin d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Ngati, appétit, Ngati, appétit, appétit. Ngati, appétit. C'est fini pour Rail Suprême, Case. Eh ouais, quelle tristesse. Merci à toi. Eh ouais, mais on se revoit dimanche prochain. Et ben, rendez-vous la semaine prochaine, en effet, comme chaque dimanche. Voilà, et toutes les infos sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, DJ Case, DJ espace K-A-Y-Z, sur Twitter, Instagram, tout ça, DJ Case Paris, n'hésitez pas, c'est là que ça se passe. Et dans pas très longtemps, on donnera la date du 31. Voilà. À pas louper, donc le retour de DJ Case, on attend le 31 avec impatience. Et l'année 2017. Merci à toi, Case. Sinon, j'espère que ça vous a plu, le petit classement. Au top. La semaine prochaine. Et bon, on continue. Réagissez d'ailleurs avec le hashtag Rail Suprême sur Skyrock. Dites-nous ce que vous voulez dans Rail Suprême. Eh n'hésitez pas à demander à Case. Voilà, on va exaucer vos vœux. Merci à vous tous. Passez une bonne soirée sur Skyrock. Ça continue le son rap par NBA non-stop. Ciao.